Quand paraît Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949, c'est un scandale. À gauche comme à droite, chez les hommes comme chez les femmes, le livre est jugé grossier et ridicule. L'initiation sexuelle de la femme est-elle à sa place au sommaire d'une grave revue littéraire et philosophique, se demande François Mauriac dans le supplément littéraire du Figaro. Car oui, dans Le deuxième sexe, sans surprise, Beauvoir parle de sexe, mais aussi de sexualité et de sexualité féminine. Qui avait, avant elle, parlé dans un ouvrage de philosophie de puberté, de clitoris et d'homosexualité? Qui avait brossé le portrait de la femme mariée, de la prostituée, de la femme vieille, de l'initiation sexuelle de la jeune fille et de la femme indépendante condamnée à être frigide ou masochiste? On y reviendra. Ce n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Si la presse déchaîne à la sortie du livre, plusieurs associations dont on attendrait une réaction outrée ou élogieuse restent silencieuses. La plupart des associations féminines et féministes n'en parlent pas, à l'exception notable du mouvement Jeunes Femmes, qui représente les plus jeunes générations et le féminisme d'après la Seconde Guerre mondiale. Alors 70 ans plus tard, sommes-nous en mesure d'évaluer ce que le livre de Beauvoir a apporté à la philosophie et au féminisme français ? Le corps féminin y est tantôt dépeint comme un asservissement au destin de femelle et tantôt comme le lieu d'une possible libération. Alors qu'en est-il vraiment ? La philosophe et féministe Camille Froidevaux-Métry est avec nous ce matin pour répondre à ces questions. Bonjour Camille Froidevaux-Métry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes, je l'ai dit, philosophe féministe, professeure de sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous êtes également l'auteur de « La révolution du féminin » paru aux éditions Gallimard en 2015, une édition récente en poche et désormais disponible. Elle est sortie en mars dernier, en même temps que votre dernier livre « Saint, enquête d'une libération » aux éditions Anamosa. Quel est votre lien avec Simone de Beauvoir, tout simplement, Camille Froidevaux-Métry ? Alors, c'est un lien très intime, mais qui a été médié, puisque je suis venue à Simone de Beauvoir, en fait, par une autre philosophe, par la philosophe américaine Iris Marion Young, qui est une philosophe qui s'inscrit dans le courant de la phénoménologie, et que j'ai découverte il y a quelques années, lorsque je cherchais à lire des écrits philosophiques sur le thème de la maternité et sur le thème du corps des femmes de façon plus générale. Et c'est en découvrant donc cette œuvre-là et la lecture par Jung de Beauvoir que je suis venue à Beauvoir et que j'ai lu à ce moment-là le deuxième sexe qui m'a fait l'effet évidemment d'une révélation, mais d'une révélation, disons, un peu décalée par rapport à ce que j'avais pu en lire jusque-là, c'est-à-dire que j'avais, comme beaucoup de personnes, cette image ou cette représentation un peu formatée qui faisait de ce livre une sorte de grande diatribe contre les dimensions incarnées de l'existence des femmes. Et ce que j'ai découvert en réalité, c'est à peu près tout l'inverse, enfin c'est-à-dire plus exactement, j'en ai découvert le second volet qui met en lumière tout au contraire la dimension de potentielle libération qui se loge dans le corps des femmes. Mais alors comment en est-on venu à un tel malentendu? Je disais en introduction la violence avec laquelle ce livre avait été accueilli. Comment 70 ans après, ce livre est-il encore entouré d'autant de malentendus? Alors, il a été accueilli avec violence, puis il a connu une petite éclipse, enfin une assez longue éclipse en fait, de 2-3 décennies jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, relu et surtout magnifié, porté par les théoriciennes et les militantes des années 70. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs des années 70 que Simone de Beauvoir va se reconnaître et se présenter désormais comme une féministe, ce qui n'était pas le cas en 1949 quand elle écrit Le deuxième sexe. Et c'est donc dans ce contexte-là, et c'est pas anodin, un contexte où il s'agit précisément pour les féministes de réclamer, de s'affranchir vis-à-vis du carcan corporel qui est le leur, et notamment de s'affranchir vis-à-vis de leur nature procréatrice, puisque c'est le grand moment de la lutte pour les droits procréatifs. Et c'est donc sur ce volet, on va dire, négatif de la corporalité féminine, comme étant le socle même de la domination masculine, que Beauvoir est relue et qu'elle prend, disons, l'importance qui va être la sienne à partir de là dans le champ féministe. Et je crois qu'on peut expliquer une forme d'aveuglement au versant positif sur le versant de la libération du corps par cette réappropriation particulière dans ce contexte historique spécifique qui était un contexte en fait de revendication très forte pour se débarrasser des chaînes du corps féminin. Oui, peut-être faut-il retracer rapidement les différentes étapes du mouvement féministe en France pour comprendre comment le texte de Beauvoir a-t-il pu être ressaisi dans les années 70 comme un instrument de libération. Ça commence, on parle généralement de trois vagues, et la première vague commencerait la bataille du vote féministe en fait, et ça, bon, disons que ça commence vers 1850 et jusqu'à 1945. Et puis ensuite, il y a justement cette seconde vague dont vous venez de parler, Camille Froide-Vaumétry, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors moi, je préfère. Il y a tout un débat épistémologique sur l'utilité, la pertinence de cette notion de vague. Je préfère m'en éloigner un petit peu parce que du coup, elle est très très chronologique et elle empêche de voir parfois que certaines batailles féministes surgissent et s'accumulent et produisent ensemble une dynamique qui est moins univoque que ce qu'on peut repérer facilement comme ça. Mais néanmoins, il y a quand même ce moment fondateur et pivot, en tout cas pour ce qui concerne la question du corps des femmes, que constituent les années 70, où un certain nombre de féministes... Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans ce moment, il y a deux options quasiment contradictoires dans le champ féministe lui-même. Celle qui consiste à faire du corps des femmes le lieu, vraiment par excellence, de la domination masculine. Les féministes matérialistes en France et radicales aux États-Unis vont faire du corps maternel et sexuel le vecteur principal et disons le ressort à déconstruire pour que les femmes soient véritablement libres. Et puis on trouve du côté des féministes psychanalytiques, que ce soit d'ailleurs en France comme aux États-Unis, une proposition quasiment inverse qui consiste à partir de la spécificité maternelle des femmes pour l'exalter et pour réclamer l'égalité, mais en faisant de cette capacité maternelle une puissance, c'est-à-dire quelque chose de positif et de valorisable. Dans le contexte français, assez rapidement, cette proposition psychanalytique dite aussi différentialiste va être, disons, repoussée. C'est d'ailleurs davantage aux États-Unis qu'elle sera investie. Et on a donc cette tradition du féminisme matérialiste qui va s'enraciner et qui va produire avec l'œuvre beauvoirienne une forme de synthèse intellectuelle assez féconde, à laquelle il faut ajouter aussi la tradition française de l'égalitarisme républicain, c'est-à-dire cette proposition consistant à faire des individus des sujets de droit abstraits qu'aucune caractéristique ne distingue, et notamment pas une caractéristique de genre. Et on a donc avec ces trois traditions intellectuelles une forme de synthèse qui produit un effet, qui a été en quelque sorte à l'origine quasiment de mes travaux sur la question, puisque ce que j'observais au début des années 2000, c'est qu'il était devenu singulièrement compliqué précisément de s'intéresser en tant que féministe au corps des femmes dans une perspective positive, j'allais dire. Alors attendez, donc ça veut dire que là c'est la troisième, alors si on parle pas de vague, troisième bataille, c'est ça, c'est les critiques après avoir été justement utilisées pour la bataille contre la procréation par exemple, le texte de Beauvoir va devenir fortement critiqué, il est considéré comme étant un féminisme de bourgeoise blanche et sera lu de manière extrêmement sévère. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme la plupart des grandes théoriciennes et militantes féministes, alors bon, Beauvoir, elle est quasiment une pionnière puisque voilà, c'est dès la fin des années 40, mais comme celle des années 60 et 70, il y a dès d'ailleurs leur apparition, c'est-à-dire que c'est une critique qui est en fait simultanée. C'est pour ça que j'évoquais cette nécessité de se débarrasser un peu du prisme chronologique pour observer comment en fait tout se noue d'un point de vue problématique quasiment en même temps, c'est-à-dire dès les années 60 aux États-Unis, les représentantes de l'afroféminisme ou du black feminism comme elles s'appellent elles-mêmes critiquent ce qu'elles désignent comme étant le solipsisme blanc des théoriciennes américaine qui effectivement proposent un projet d'émancipation, mais qui est pensé de leur point de vue, c'est-à-dire du point de vue de femmes bourgeoises, blanches, et absolument, quasiment aveugles aux différences de conditions entre femmes. Donc c'est un débat qu'on a au sein du féminisme quasiment depuis les origines, mais qui a pris de l'ampleur effectivement à partir de la fin des années 90-2000, à la faveur aussi de l'apparition de nouvelles notions importantes dans le champ, comme la notion de genre d'abord, et puis aussi les études queer ensuite, et puis effectivement cette tradition intersectionnelle. Je dis tradition hein, parce que voilà, elle n'est pas si nouvelle que ça. Ouais. Donc, alors pour ce qui concerne Beauvoir, eh bien, d'ailleurs, elle le dira elle-même. Hein, il s'agit effectivement en tout cas, dans le moment où elle pense la question de la condition des femmes, et ça, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse rappeler. Hein, ce à quoi elle s'attaque, c'est vraiment à une forme d'enfermement immémorial des femmes dans cette condition incarnée qui est pour elle synonyme d'aliénation et d'objectivation. Et elle le fait effectivement en étant relativement indifférente à d'autres questions relatives à la classe et à la race éventuellement, quoique elle a une sensibilité sur cette question des classes que l'on connaît. Hein. Ouais. On peut la lire dans un sens matérialiste, certains interprètes le font. Mais son sujet et ce qui va permettre ensuite au féminisme en quelque sorte, j'allais dire, d'exploser, hein, parce que c'est elle qui a posé les fondements théoriques et même épistémologiques qui allaient permettre ensuite aux féministes des années 70 de se saisir de ces questions corporelles, puisque c'est elle qui, au gré de ces centaines de pages, va déplier les ressorts incarnés de la domination masculine. Dans et à travers une réflexion et une description du corps féminin, voici un premier texte, un texte qui décrit la puberté de la fillette qui grandit, cette puberté qui, nous dit Beauvoir, nous rend immédiatement dépendante oui, mais de qui et de quoi ? De la naissance à la puberté, la fillette a grandi, mais jamais elle ne s'est sentie grandir. Jour après jour, son corps lui était présent comme une chose exacte, achevée. À présent, elle se forme. Le mot même lui fait horreur. Les phénomènes vitaux ne sont rassurants que lorsqu'ils ont trouvé un équilibre et revêtu l'aspect figé d'une fleur fraîche, d'une bête lustrée. Mais dans le bourgeonnement de sa poitrine, la fillette éprouve l'ambiguïté du mot « vivant ». Elle n'est ni or ni diamant, mais une étrange matière, mouvante, incertaine, au cœur de laquelle d'impures alchimies s'élaborent. Elle est habituée à une chevelure qui se déploie avec la tranquillité d'un écheveau de soie. Mais cette végétation neuve sous ses aisselles, au bas de son ventre, la métamorphose en bête ou en algue. Qu'elle soit plus ou moins avertie, elle pressent dans ses changements une finalité qui l'arrache à elle-même. La voilà jetée dans un cycle vital qui déborde le moment de sa propre existence. Elle devine une dépendance qui la voue à l'homme, à l'enfant, au tombeau. Tout l'enjeu de cette émission, Camille Froide-Vométry, c'est de montrer que le corps de la femme chez Simone de Beauvoir est à la fois le lieu d'un asservissement au destin de femelle, dit-elle, mais en même temps, et ça c'est la thèse que vous soutenez, le lieu d'une libération. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, avec ce texte avec lequel on vient de commencer sur la puberté, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est vraiment plus du côté de l'asservissement, non ? Oui, absolument. D'abord, c'est un très beau texte. Hein. Voilà, c'est toujours tellement agréable de d'entendre ces idées exprimées de façon littéraire, si frappante. Évidemment, c'est le point de départ hein, du tome 2 du deuxième sexe, qui s'intitule L'expérience vécue, que de commencer par l'enfance, puisque Simone de Beauvoir va ensuite dérouler en quelque sorte le fil de l'existence des femmes pour essayer justement de repérer à chaque fois comment se nouent des moments qui enferment les femmes dans cette condition de servante et d'idole. Alors là, c'est un texte qui donne presque des frissons, puisqu'il s'agit de montrer que dès l'enfance, la fille et future femme enclenche en fait un processus qui va la conduire à demeurer toute sa vie subordonnée, dépendante, passive. Et c'est quelque chose évidemment, qu'on retrouvera souvent chez Beauvoir, c'est-à-dire la force et même la rage avec laquelle elle met en évidence l'horreur, en quelque sorte, de cette condition objectivée et aliénée. Le corps de la fille va se présenter à elle immédiatement avec, dit-elle, les qualités inertes et passives d'un objet. Et je suis notamment touchée par ce qu'elle dit à propos du bourgeonnement de la poitrine, parce que en effet, j'ai pu l'observer auprès des jeunes filles que j'ai rencontrées pour mon enquête sur les seins des femmes. Lorsque les seins apparaissent pour une fille, il se produit une transformation qui évidemment est physique, qui est intime, mais immédiatement aussi, j'allais dire, politique, puisque les seins de la fille lui signifient qu'elle est désormais, aux yeux du monde et aux yeux des autres, devenue un corps sexuel, c'est-à-dire un corps disponible. Et je crois que c'est exactement cette idée que Beauvoir développe ici, c'est-à-dire que le corps féminin dans ses attributs sexués féminins, les seins, hein, dont elle dit un peu plus loin qu'ils sont comme une prolifération inutile et indiscrète, eh bien les seins de la fille, de la jeune fille pubère, lui intime en quelque sorte, que désormais son destin sera celui d'une femme passive, disponible et subordonnée. Et c'est évidemment une forme de déni d'existence qui fait, comment dire, pose problème, parce que le problème de Beauvoir, c'est de montrer comment, à partir même de cette condition incarnée, objectivée, comment peut se vivre et comment peut s'éprouver la condition de liberté qui est celle de tous les sujets telle qu'elle les perçoit, notamment dans la perspective existentialiste. Ce que vous voulez dire, c'est que ce texte-là, ainsi que tous ceux qui le précèdent et qui l'accompagnent, s'inscrivent dans une logique qui est celle de Simone de Beauvoir, et qui consiste à montrer que l'état de fait d'enfermement de la femme est, alors peut-être pas non simplement transitoire, mais qui n'est pas ontologique, et qu'il y a une possibilité de sortir de cet enfermement-là, qu'il n'y a pas un destin biologique de la femme, c'est ça ? Oui, parce que son point de départ, c'est de montrer que, voilà, elle dit « la femme comme l'homme est son corps ». Donc ça, c'est le postulat phénoménologique qui consiste à tenir ensemble toujours subjectivité et corporéité. C'est l'idée que un sujet, dans son rapport à lui-même, aux autres et au monde, est toujours nécessairement incarné, d'une part, mais plus encore que le corps est le lieu même de l'accès au sens des choses et du monde. C'est-à-dire que c'est pas simplement, disons, une sorte de relation, de média entre nous et les autres, mais c'est aussi le sujet incarné ne peut penser et comprendre le monde que parce qu'il est incarné, et en l'occurrence, plus encore, pour ce qui concerne les femmes, sexué. Ça, c'est la méthode phénoménologique dont se revendique Simone de Beauvoir. Et voilà, en citant à maintes reprises dans le deuxième sexe Merleau-Ponty, qui exerce avec qui elle sera d'ailleurs en dialogue constant durant toute la rédaction du deuxième sexe, et de qui elle tire cette idée que le sujet phénoménologique incarné et situé est un sujet essentiellement libre. Mais là où elle diverge de Merleau-Ponty, c'est en montrant que il y a des individus pour lesquels cette condition de liberté peut se vivre de façon pleinement aboutie, et puis il y en a d'autres. Alors, en l'occurrence, les premiers, ce sont les femmes. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui ne peuvent vivre cette condition de liberté parce que leur corps s'inscrit dans une situation à la fois sociale et historique, synonyme d'objectivation et d'aliénation, et donc les femmes ont été en quelque sorte dépossédées de l'essentielle liberté qui est la leur en tant que sujet, et il faut donc, et c'est je crois vraiment l'horizon du deuxième sexe, retrouver en fait cet horizon de liberté qui a été recouvert par des siècles, en fait, d'objectivation et d'enfermement des femmes dans le carcan de leur corps sexuel et maternel. C'est d'ailleurs le titre du dernier chapitre du deuxième sexe, qui fait près de 1000 pages, mais le chapitre lui-même s'appelle « Vers la libération », et on trouve un portrait de ce qu'elle appelle la femme indépendante, où on retrouve toute cette ambivalence. À la fois, elle a des mots très durs envers le statut de cette femme, le corps de cette femme, même la sexualité de cette femme, et en même temps, on voit qu'elle en appelle à cette libération dans un vocabulaire, là, cette fois-ci, qui est en effet proprement marxiste. Elle ne parle pas de liberté, mais de libération. Il faut se défaire de l'asservissement qui nous contraint à ne pas être libre. Oui, et alors elle le dit, c'est sans doute le point qui est le moins, enfin en tout cas qui a été un petit peu occulté, et on peut comprendre pourquoi. Elle propose cette libération, mais elle dit aussi que celle-ci n'est pas une négation en fait de la sexuation. Ouais. En réalité, ce qu'elle fait tout au long des pages du deuxième sexe, c'est-à-dire repérer et dénoncer tous les vecteurs corporels par lesquels les femmes sont en quelque sorte vouées aux hommes, donc que ce soit dans les domaines de la sexualité, de la conjugalité, mais aussi de la maternité, eh bien, elle le fait pour ensuite proposer en quelque sorte une libération qui, elle aussi, sera nécessairement incarnée, qui, elle aussi, sera sexuée, mais qui doit pouvoir trouver les moyens de son accomplissement. Alors, pour dire les choses comme elle les écrit, elle ne dit pas grand-chose concrètement hein, de comment cette libération incarnée pourrait se déployer. Elle dit simplement que la femme ne renoncera pas, dit-elle, à sa féminité, car ce serait renoncer à une part de son humanité. Et elle emploie ce mot de féminité, alors qu'il faut bien comprendre, évidemment, il ne s'agit pas là de l'entendre comme on le fait communément, c'est-à-dire dans le registre des représentations, la féminité qui serait cet idéal de disponibilité sexuelle et de dévouement maternel. On le sait, tout le deuxième sexe le montre, hein, Simone de Beauvoir exècre toutes ces modalités de l'assignation sexuelle et maternelle des femmes. Chez elle, il faut entendre, je crois, féminité par quelque chose que moi je propose de qualifier de tout simplement de féminin, qui renvoie à cet état, alors d'abord qui est un état toujours contingent et construit, hein, socialement, historiquement construit, mais un état du rapport des femmes aux autres et au monde qui passe nécessairement par leur corps sexué, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et quand je dis qu'ils passent nécessairement par leur corps sexué, ça veut dire aussi bien évidemment que cette situation incarnée détermine leur existence. Et du coup, dans la perspective de libération qui est celle de Beauvoir, cette libération n'est pas synonyme de désincarnation. C'est une libération qui doit pouvoir trouver les moyens de se déployer, mais en tenant cette dimension de la sexuation, cette dimension du féminin à laquelle Beauvoir tient finalement beaucoup. Donc si je vous comprends bien, c'est au fond ce corps sexué qu'on ne lui pardonne pas de décrire à la fois dès 1949, où je le disais rapidement, voilà les phrases qu'on dit à propos du deuxième sexe dans les journaux et chez les écrivains, c'est-à-dire mais en fait c'est de la basse pornographie, pourquoi est-ce qu'elle parle du corps féminin de cette manière-là? Et en même temps jusqu'à aujourd'hui, où finalement les tenants de l'universalisme qui pensent que les caractéristiques propres à la féminité ne sont pas quelque chose qu'il faut mettre en avant dans le cadre d'une pensée égalitariste, et ben là encore ce corps féminin sexué pose problème au fond. Oui, alors c'est en fait, je crois, c'est un débat dont moi je propose de dire qu'il faudrait en fait s'en extraire une bonne fois pour toutes. Il a structuré le champ de la pensée féministe pendant des décennies, donc c'est pour faire très court, hein, ce débat entre effectivement une position universaliste d'un côté et puis une qui serait donc différentialiste. Mais je crois que les conditions qui sont celles de la vie des femmes contemporaines nous montrent bien que il faut essayer de trouver de nouvelles façons de penser cette condition parce que d'une certaine façon, elle tient en quelque sorte les deux bouts du problème, c'est-à-dire nous sommes devenus, nous femmes occidentales, évidemment je me limite à ce contexte, des sujets de droit abstraits, dotés donc en principe d'un certain nombre de droits, en tout cas en capacité de les revendiquer, et puis il se trouve que nous sommes restés par ailleurs des individus sexués et incarnés. Et c'est d'ailleurs un peu ce dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire depuis à peu près le début des années 2010, les féministes et les plus jeunes d'entre elles notamment, ont pris conscience qu'il y avait tout un domaine de la vie des femmes, c'est-à-dire ce domaine intime de la vie sexuelle notamment, qui avait en quelque sorte échappé à la prise féministe. Et je crois que c'est pas par hasard. Il me semble que c'est précisément parce que il a été rendu problématique pendant longtemps de se saisir de ces questions intimes, de ces questions sexuées et sexuelles. Vous voulez dire qu'il y a des tabous au sein même du militantisme féministe, c'est ça? C'est ça. Il y a des choses dont on ne parle pas. En fait, voilà, parce que puisque ces dimensions, allez, osons le mot génital de la vie des femmes, étaient tout ce qui leur envoyait à leur ancienne condition d'oppression et d'objectivation, eh bien s'y intéresser, c'était en quelque sorte peut-être vouloir réenfermer les femmes dans leur nature et dans leur corps, c'était réactiver en quelque sorte une dynamique différentialiste, voire pire encore, essentialiste. Or, je crois que tout l'enjeu, j'allais dire même philosophique, dans le champ du féminisme aujourd'hui, c'est d'essayer de penser la condition incarnée des femmes, comme Beauvoir l'a fait précisément, c'est-à-dire en tenant les deux versants de l'aliénation et de l'émancipation, en se défaisant de cette obsession différentialiste, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on s'intéresse, disons voilà, au clitoris, à la vulve et au vagin des femmes que on est essentialiste, et d'ailleurs pas parce qu'on le fait d'ailleurs que on le fait dans une perspective qui ne concernerait par exemple que les femmes nées de sexe féminin. C'est-à-dire que je crois au contraire que de penser la génitalité, ça permet de penser aussi la légitimité de femmes qui ne sont pas nées avec les attributs biologiques du féminin, que sont les femmes trans aujourd'hui, et pour lesquelles cette thématique corporelle résonne peut-être avec encore plus de force que pour les femmes cis d'une certaine façon. Donc ce que vous dites, c'est que parler du corps des femmes dans leur intimité, que ce soit la sexualité ou justement la puberté ou les hormones ou les règles ou les seins ou que sais-je encore, ça n'est pas tenir une position, enfin, ça n'est pas être en faveur d'une conception essentialiste de la femme qui pose qu'il y a une essence féminine et qu'elle est une chose une fois pour toutes, mais qu'au contraire, c'est compatible avec une position universaliste qui aurait plus tendance justement à vouloir gommer les différences pour montrer que nous sommes finalement tous égaux. Ce que vous essayez de faire, c'est de montrer qu'on peut parler du corps féminin dans les détails et dans l'intimité sans tomber dans l'essentialisme et sans renoncer à une forme d'universalisme. Est-ce que je vous comprends bien ? Oui, alors oui, on peut le dire comme ça. Il faut ajouter une étape importante qui est l'étape des études de genre et des études queer, parce que tout cela n'est possible aujourd'hui que grâce à l'apport théorique et épistémologique des études de genre qui nous ont permis quelque chose que Beauvoir ne pouvait pas faire. C'est pour ça que parfois je trouve qu'on force un peu le trait quand on la présente comme la pionnière des études de genre. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est penser une déconstruction de la binarité sexuée. Elle ne peut tellement pas le faire, d'ailleurs, qu'elle évoque elle-même, hein, notamment dans sa conclusion, elle parle de la différenciation ou de la différence entre les sexes de façon très très explicite, mais d'une certaine façon, il y a rien d'étonnant à cela. Je veux dire, dans le moment où elle écrit, c'est quelque chose qui est proprement impensable. Il faut faire attention, je crois, à cette dimension, disons, historique des idées. C'est-à-dire, il y a des moments dans l'histoire, et en l'occurrence ici, dans l'histoire du féminisme, où l'on ne peut pas penser la déconstruction de la binarité sexuée. En l'occurrence, pour Beauvoir, on ne peut pas le faire parce que, tout simplement, les femmes ne peuvent pas encore se débarrasser du carcan de leur destin maternel, ce qu'elles pourront faire seulement à partir des années 70. Et alors, l'étape théorique des études de genre, c'est quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui, précisément, de revenir sur la question du corps sexué, mais précisément en s'extirpant de l'ornière essentialiste, c'est-à-dire en se débarrassant d'une approche qui serait une approche différentialiste, consistant à dire, voilà, pour des raisons biologiques, de différences biologiques, les femmes et les hommes n'ont pas la même condition dans la société. Non, c'est plus du tout en ces termes qu'il faut l'envisager. Je pense qu'il faut faire l'effort justement de concevoir de nouveaux outils conceptuels. Bon, moi, je creuse en ce moment l'idée de singularité sexuée pour pouvoir penser justement par-delà le cadre binaire, parce que ce que nous avons à penser aujourd'hui, c'est la façon dont les individus peuvent se saisir de leur existence incarnée et peuvent en quelque sorte faire de celle-ci ce qu'ils veulent, ou à peu près. C'est-à-dire que nous avons cette chance inouïe, alors là encore, hein, dans le contexte occidental, de pouvoir en quelque sorte nous débarrasser d'un quelconque destin, qu'il soit biologique, le sexe, ou culturel, le genre, et penser notre propre condition à la fois hors du cadre binaire et puis dans un nouveau cadre qui est celui, alors je trouve que la notion de fluidité des genres dit pas mal de choses et je la trouve assez pertinente dans ce cadre-là, mais nous avons toutes et tous quelque chose à faire de nos corps sexués, mais d'une façon éminemment singulière désormais, et c'est-à-dire dans une perspective où peut-être nous pouvons commencer de penser une condition générique, c'est-à-dire une condition, alors disons que c'est un horizon, et je comprends bien qu'il peut paraître très très lointain, mais une condition humaine qui serait, une bonne fois pour toutes, débarrassée justement de l'enfermement dans les rôles de genre, de l'enfermement dans les stéréotypes genrés. Oui, toute la question est de savoir ce qu'on fait des caractéristiques corporelles qui sont propres à certains genres, justement, parce que vous disiez vous parliez de la difficulté de parler, pas simplement de la sexualité, mais de l'intimité même du corps de la femme. Simone de Beauvoir le fait dans son texte et elle a été beaucoup critiquée pour ça. Vous le faites dans votre travail, je crois. Vous venez de faire paraître un livre sur les seins. Comment vous expliquez qu'on ait tant de mal aujourd'hui à parler de l'intimité du corps sexué féminin? Dans une perspective féministe, on a du mal parce que, comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a cette idée d'une association très intime et comme d'une sorte de lien indissoluble entre ses caractéristiques sexuées et la dynamique patriarcale. Le système patriarcal qui est le nôtre repose sur le principe d'une division sexuée du monde, c'est-à-dire qu'on a enfermer les femmes dans la sphère domestique, une sphère considérée comme inférieure, et on l'a fait au nom précisément de leur soi-disant nature sexuelle et maternelle. Et donc c'est sur la base même d'une définition fonctionnaliste des femmes comme étant donc des corps sexuels et procréateurs, qu'on les a privées, non seulement pendant des siècles, de toute liberté, mais une fois passé même le tournant de la modernité politique, qu'on les a privés même des bénéfices de cette modernité, puisqu'il a fallu attendre, en fait, et c'est ce que je montre dans la révolution du féminin, il faut attendre les années 70 et les théoriciennes féministes pour que les femmes deviennent véritablement des sujets de droit, puisque ce n'est qu'à partir du moment où précisément elles vont pouvoir se débarrasser une bonne fois pour toutes, enfin en tout cas à la fois symboliquement et concrètement de leur pseudo-destin maternel, qu'elles vont pouvoir s'affirmer dans la société comme des sujets de droit. Et donc ça, c'est quelque chose qui, comme je le disais, a du coup produit une forme de déconsidération, voire même de dévalorisation peut-être du corps féminin dans ses dimensions sexuées, puisque il s'agissait de, au contraire, de faire disparaître ces signes extérieurs d'asservissement et d'objectivation. Pour autant, et c'est ça le point qu'il faut saisir aujourd'hui, il se trouve que nous n'avons pas cessé, d'une certaine façon, d'être incarnés. Et il se trouve que la condition qui est la nôtre aujourd'hui, pour émanciper qu'elle soit, même si c'est imparfaitement, c'est aussi, encore et toujours, une condition incarnée et sexuée. Alors que fait-on du fait que les femmes peuvent avoir des enfants ou refuser d'en avoir? Que fait-on du fait qu'elles ont des organes génitaux qui sont le lieu, non seulement, enfin qui peuvent être le lieu du plaisir, mais aussi le lieu de la violence? Que fait-on aussi des discriminations et des inégalités qui s'enracinent précisément dans ces caractéristiques sexuées? Et c'est, je crois, le point qui justifie que l'on fasse retour au corps féminin sexué aujourd'hui. C'est parce qu'on a bien vu, depuis une dizaine d'années, le mouvement MeToo est d'une certaine façon presque le moment emblématique de cette dynamique, on a bien vu à quel point le corps sexué féminin signifiait pour les femmes, était synonyme pour les femmes d'une infinité d'inégalités, de discrimination et de violence. Alors bienvenue à tous pour ce cercle des femmes. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Il paraît être quelque chose. Tu vas où, Victor ? Hein ? J'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise. Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes ? Non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, c'est plus un problème de femmes. Ah, c'est un problème ? Non, alors donc c'est bien que tu restes. Non, Victor, les règles, ce n'est pas un problème. Oui, d'accord. C'est pas ce que je voulais laisser. C'est une expression, donc, d'accord. Les serviettes hygiéniques. Bon, en dehors du fait que c'est une catastrophe écologique, je pense qu'on est au même niveau d'irresponsabilité que quand on utilise des lingettes, par exemple. Comme des grosses lingettes pour la chatte. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, ça pollue complètement. Mais je pense qu'en dehors de ça, c'est aussi une façon très babylonienne, encore une fois, de nous inférioriser en tant que femmes, en nous mettant des couches comme à des enfants. Et ça, c'est inacceptable. On est d'accord avec ça ? Merci. Je propose qu'on chante. J'aime les règles, me connecte avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume. J'aime mes règles et que personne... À travers son expérience érotique, la femme éprouve, et souvent déteste, la domination du mâle. Il n'en faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Elle ne se sent dans l'acte amoureux si profondément passive que parce que déjà elle se pense comme telle. Revendiquant leur dignité d'être humain, beaucoup de femmes modernes saisissent encore leur vie érotique à partir d'une tradition d'esclavage. Aussi leur paraît-il humiliant d'être couchées sous l'homme, pénétrées par lui, et elles se crispent dans la frigidité. Mais si la réalité était différente, le sens qu'expriment symboliquement gestes et postures amoureux le serait aussi. Une femme qui paie, qui domine son amant, peut par exemple se sentir fière de sa superbe oisiveté et considérer qu'elle a servi le mâle qui activement se dépense. Et il existe d'ores et déjà quantité de couples sexuellement équilibrés où les notions de victoire et de défaite font place à une idée d'échange. En vérité, l'homme est comme la femme une chair, donc une passivité, jouet de ses hormones et de l'espèce, proie inquiète de son désir. Et elle est comme lui, au sein de la fièvre charnelle, consentement, don volontaire, activité. Ils vivent, chacun à sa manière, l'étrange équivoque de l'existence faite corps. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On est confiné avec Simone de Beauvoir cette semaine et aujourd'hui en compagnie de la philosophe Camille Froidevaux-Métry, d'Éric Judor à Simone de Beauvoir. Ça, c'est ce que vous venez d'entendre. Alors, le film d'Éric Judor s'appelle Problemos. Je ne sais pas si vous le connaissez, Camille Froidevaux-Métry, mais la manière qu'a ce personnage joué par Blanche Gardin, justement, d'essayer de célébrer de manière très caricaturale l'existence même des règles, bah, ça met le doigt sur quelque chose, hein, avant qu'on commente le texte de Simone de Beauvoir. Est-ce que les règles font partie de ces tabous intimes dont les féministes ont encore du mal à parler aujourd'hui? Alors plus aujourd'hui, parce que je crois que c'est... En fait, les règles, c'est le sujet par lequel tout a commencé au début des années 2010. Donc c'est cette séquence qui s'ouvre à ce moment-là que j'ai appelé dans le corps des femmes la bataille de l'intime, le tournant génital du féminisme. Et tout commence avec les règles précisément. Et il s'agit de se saisir d'un sujet tabou s'il en est, pour en faire un sujet non seulement féministe, mais au-delà de ça, même un sujet politique, c'est-à-dire pour en fait, révéler comment les caractéristiques incarnées de la vie des femmes peuvent produire des effets non seulement intimes, mais aussi sociaux et politiques. Alors évidemment, on peut en rire et puis on peut aussi l'interpréter comme une forme d'enfermement ou de retour à une définition biologique des femmes. Il s'agit pas de ça, parce qu'en fait, il s'agit simplement de comprendre que ce sujet des règles, ça a été une porte qui s'est ouverte sur tout les autres sujets, donc évidemment sur les organes génitaux, mais au-delà de ça, sur la question de la sexualité, du plaisir, mais aussi des violences sexuelles. Donc je crois, dans la perspective globale d'une émancipation intime, qu'il faut comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que lorsque Beauvoir écrit « Il ne faut pas conclure de la domination du mâle que ses ovaires, à la femme évidemment, la condamnent à vivre éternellement à genoux », on a là la phrase qui annonce une libération. C'est tiré de la conclusion du deuxième sexe, donc c'est juste après le chapitre sur la libération. Et cette phrase est emblématique de ce que Beauvoir essaye de faire à la fin. Elle va même jusqu'à parler d'un échange entre l'homme et la femme. C'est plus un marchandage, la passivité est des deux côtés, et elle emploie ce terme de consentement, ce qui paraît là pour le coup extrêmement moderne. Oui, absolument. Enfin, je crois qu'il y a tellement de choses si modernes et si pertinentes aujourd'hui dans le deuxième sexe. Dans le chapitre qui précède la conclusion, qui est donc ce grand chapitre sur la libération, Beauvoir écrit que si les hommes acceptaient d'aimer au lieu d'une esclave une semblable, les femmes seraient moins hantées par le souci de féminité. Et elle pointe là quelque chose de très important qu'elle développe dans la conclusion, qui est que la libération des femmes, d'une certaine façon, ne peut se concevoir sans quelque chose qui nécessairement implique aussi les hommes, puisque ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte que ceux-ci, en quelque sorte, cessent de penser et de traiter les femmes comme des objets. Et que, comme les uns et les autres sont semblablement des corps, elle l'écrit dans la conclusion, l'homme est comme la femme une chair, il faut peut-être retrouver le chemin de ce qui, dans la condition masculine incarnée, pourrait faire signe du côté, d'une certaine façon aussi, de la passivité, du consentement. Et c'est quelque chose qu'elle décrit avec des termes tout à fait contemporain, cette idée que pourrait naître entre les sexes, dit-elle, de nouvelles relations charnelles et affectives dont nous n'avons pas idée, écrivait-elle en 1949. Il me semble qu'aujourd'hui on commence à apercevoir ce que pourraient donner ces nouvelles relations charnelles et affectives qui seraient précisément fondées sur cette notion cruciale aujourd'hui de consentement. Elle le développe pas pour autant, le mot de consentement. On le trouve. Est-ce qu'il y a des lignes ailleurs ou dans d'autres ouvrages où elle revient sur cette question du consentement ? Pas à ma connaissance, effectivement, et plus largement, c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que elle ne dit pas grand-chose hein, de cette future condition émancipée qu'elle appelle de ses vœux. Mais il faut là aussi comprendre que de là où elle écrit, dans la fin des années 40, sans doute que l'horizon est encore beaucoup trop flou et que sans doute a-t-elle du mal elle-même à en quelque sorte à dessiner les contours de ce que serait une femme affranchie et de ce que serait un homme qui aurait accepté de renoncer aux représentations patriarcales. Mais néanmoins, elle pose quelques jalons, et je trouve ça très intéressant d'observer comment, finalement, après avoir passé tant de pages à décrire toutes les modalités par lesquelles les femmes sont vouées à l'homme, comme elle l'écrit à plusieurs reprises, comment les femmes sont des êtres pour les hommes, eh bien, comment à la fin, finalement, elle essaye de penser quelque chose qui est de l'ordre de la relation, c'est-à-dire non pas la domination, c'est-à-dire quelque chose qui s'exerce de façon verticale, mais une relation circulaire où une autre façon de considérer autrui se dessine, et notamment pour les hommes, puisqu'il s'agirait de trouver la façon de vivre des relations réciproques qui permettraient, elle l'écrit dans la conclusion, qui ne supprimerait pas, écrit-elle, les miracles qu'engendre la division des êtres humains en deux catégories séparées. Donc au passage, ce que je disais tout à l'heure sur son impossibilité de penser hors du cadre binaire, et quels sont ces miracles qu'engendre la division des êtres humains en deux catégories séparées, eh bien, dit-elle, le désir, la possession, mais au sens, je crois, sexuel, le rêve, l'amour, l'aventure, et les mots qui nous émeuvent, donner, conquérir, s'unir, garderont leur sens. Donc c'est une sorte de, comment dire, j'allais dire de vœux pieux, je ne sais pas s'il est pieux, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'incrédulité sous sa plume, c'est-à-dire que à la fois, il est question de libération, et en même temps, elle tourne toujours avec cette dimension de différenciation naturelle, hein, c'est en ces termes qu'elle exprime dans la conclusion, entre les hommes et les femmes, et elle en parle en proposant de faire de la fraternité, écrit-elle, quelque chose qui permettrait donc ces nouvelles relations. Là, je pense que c'est le dernier mot du deuxième sexe, hein. Fraternité, c'est le dernier mot de l'ouvrage. Absolument. Voilà, je crois qu'elle piétine un peu, mais simplement parce que elle tourne en rond impossibilité intellectuelle de penser quelque chose qu'elle ne peut pas penser de fait à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est pas une impossibilité intellectuelle, c'est plutôt historique. Oui. Oui, oui, absolument, oui. Parce que c'est difficile de faire aujourd'hui le reproche à Beauvoir de pas pu penser, par exemple, autre chose que la binarité des genres en 49. Non, oui, oui, absolument. Mais au contraire, je pense que c'est important de montrer que, en fait, que le deuxième sexe constitue la première étape d'une dynamique théorique qui va filer jusqu'aux études de genre et aux études queer, et donc le point de départ de tout cela, c'est ce travail si précieux qu'elle fait, c'est-à-dire de déplier les uns après les autres tous ces nœuds où s'articule pour les femmes quelque chose qui a à voir avec l'objectivation de leur corps, leurs conditions d'aliénation et leur aspiration à l'émancipation. Il y a des pages assez incroyables dans le chapitre sur la femme indépendante où elle met vraiment à l'œuvre la méthode de la phénoménologie, donc pour parler de la femme, et elle décrit comment cette femme indépendante va forcément avoir constaté des conséquences à son indépendance dans le point de vue, dans le domaine sexuel. Et elle dit finalement, la femme indépendante va se faire payer son indépendance en ne pouvant jouir que de manière masochiste, ou alors au contraire, elle va même pas pouvoir s'adonner à ce masochisme. Donc elle sera tout simplement frigide. Et c'est assez surprenant de voir comment Beauvoir fait un lien direct entre le statut de cette femme indépendante, il y a même des pages sur l'intellectuelle indépendante qui sont assez cruelles quand même, et la description d'une sexualité qui devrait naturellement suivre ou être la conséquence de cette position-là. Est-ce qu'on peut pas lui reprocher aussi une forme de déterminisme et de caricature dans les portraits qu'elle fait de la femme mariée, de la femme indépendante? Je crois que là, dans ces propos là que vous rappelez, il y a quelque chose d'inouï, parce qu'elle annonce très exactement ce qui s'est passé pour les femmes dans les décennies qui ont suivi les années 70. De fait, on peut discuter, hein, mais mon hypothèse, c'est que l'émancipation sociale des femmes, qui a pu se déployer donc à partir du moment où elles ont pris le contrôle sur leur corps procréateur, donc à partir des années 70, le fait qu'elles aient pu alors, par exemple, massivement investir le monde du travail, cette émancipation sociale, et publique plus largement, les femmes l'ont payé d'un prix assez cher, qui a été celui en fait du maintien dans leurs conditions de disponibilité sexuelle. Mmh. Et je crois que c'est tout à fait juste ce qu'elle montre. Ça fait peur, mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous avons pu tirer tous les bénéfices des droits conquis dans les années 70. Nous avons pu nous affirmer dans le monde comme des sujets de droit, donc si possible aussi libres et égaux que les hommes. Mais néanmoins, nous sommes restés pendant toutes ces décennies jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés des corps à disposition, c'est-à-dire que pour ce qui regarde la révolution sexuelle dont il était quand même question dans les années 70, finalement rien ne s'est passé et c'est comme si la dynamique féministe s'était arrêtée au seuil de l'intime. Et je crois qu'elle pressent en fait que les femmes vont devoir vivre cette étape où pour accéder aux gratifications de l'émancipation sociale, elles ont dû en quelque sorte renoncer à une libération sexuelle et pire encore, accepter de continuer à vivre une condition de domination sexuelle qui se traduit notamment par des violences jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas caricatural, je crois qu'elle a au contraire une prescience très très fine hein, de ce que va produire l'émancipation sociale des femmes. Ça veut dire que l'émancipation des femmes ne peut passer que par une révolution dans le domaine de l'intime et dans le domaine de la sexualité, c'est ça ? C'est qu'il faut même le prendre comme point de départ ? Oui, ça veut dire effectivement que, alors même que les féministes des années 70 avaient commencé hein, d'enclencher cette révolution sexuelle, celle-ci en fait n'a jamais eu lieu, ou alors elle a eu lieu, mais quasiment seulement pour les hommes d'une certaine façon. Et que pour ce qui concerne, par exemple, l'accès au plaisir, les femmes sont restées pendant des décennies contraintes de continuer à taire cette question. Une question d'ailleurs que Beauvoir explore de façon très assumée hein, dans le deuxième sexe, puisque cette thématique de l'insatisfaction sexuelle, elle en parle souvent et elle l'associe au fait précisément que les femmes sont malheureuses dans leurs conditions conjugales, que le mariage en quelque sorte les frustre de la satisfaction érotique et même les prive de la liberté de leurs sentiments, dit-elle, et c'est pour cela qu'elles deviennent donc insatisfaites sexuellement et du coup, écrit-elle, des épouses acariâtres, des mères sadiques, des ménagères maniaques, des créatures malheureuses et dangereuses. Bah, c'est là où je vous parle de caricature quand même. Bah écoutez, je ne sais pas. Est-ce que toutes les femmes indépendantes que vous connaissez sont des acariâtres ? Non, mais une fois encore, c'est important d'historiciser son propos. On retrouve sous la plume de Betty Friedan au début des années 60 absolument la même description dans ce fameux livre hein, qui sera la bible du féminisme américain. Enfin, une des Bibles, en tout cas pour son versant libéral, La femme mystifiée. C'est un livre dans lequel Betty Friedan évoque cette condition des femmes américaines éduquées qui, malgré le fait qu'elles ont suivi des études supérieures, se retrouvent à quitter leur travail au moment où elles ont des enfants et se retrouvent enfermées dans un univers domestique qui devient une prison et qui les rend infiniment malheureuses, où elles deviennent. C'est à peu près la même description que Beauvoir. Betty Friedan évoque les adultères multiples, les dépendances à diverses substances qui leur permettent de supporter leur existence quotidienne, etc., etc. Mmh. Il faut croire, hein, et je pense que voilà, il faudra peut-être le recul de l'histoire pour en prendre la mesure plus encore. Il faut croire que le fait d'avoir tenu ensemble une condition soi-disant émancipée. Donc là, je parle, disons, de la condition des femmes après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc des femmes à qui on a dit qu'elles étaient des sujets de droit comme les autres, mais qui ont tout simplement éprouvé, dans le sens de la fameuse expérience vécue qui est si chère à Beauvoir et aux phénoménologues, qui ont éprouvé en réalité une condition totalement aliénée, une condition même, on pourrait dire quasiment de captivité, eh bien ce repérage là de cette condition que fait Beauvoir, c'est quelque chose qui correspond à un moment assez long, malheureusement, de l'histoire des femmes, c'est-à-dire un moment où, en dépit d'un certain nombre de revendications et de droits conquis, les femmes occidentales ont continué d'être des sujets dépendants, objectivés et soumis. C'est bien rare qu'un homme, quand même, puisse comprendre vraiment le vécu, l'expérience vécue d'une femme. Parce que précisément, ils n'ont pas vécu. Je prends des toutes petites choses. Bon, eh bien, la rue appartient à tout le monde. Mais en vérité, une femme jeune, Qu'elle soit d'ailleurs jolie ou laide, ça n'a pas tellement d'importance, peut très difficilement passer 8 ou 9 heures du soir, se promener seule tranquillement en flânant dans la rue. Même dans la journée, ça lui pose un problème, parce qu'elle sera suivie, elle sera interpellée, d'une telle manière que très souvent, elle préférera rentrer chez elle. Eh bien, ça, si on dit ça aux hommes, et ils sourient, ils sont étonnés, ils disent « mais moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais suivi une femme, je suis pas un buteur, tous les hommes ne sont pas des buteurs ». Enfin, ils ne se rendent pas du tout compte de la contrainte que ça peut être pour une femme de se sentir tout le temps plus ou moins en danger, pas un danger véritablement brutal, quoique encore ça puisse aller parfois jusque-là. Il arrive que des femmes qui rabrouent à quelqu'un qui les suit se fassent envoyer une bonne gifle ou un coup ou quelque chose comme ça. Ce qui est fou, Camille Froide-Vaumétrie, on arrive au terme de l'émission, hein, c'est que tout ce que dit Simone de Beauvoir en 1975, non seulement avait des fondements théoriques dans ce qu'elle a écrit en 1949, mais a un écho absolument contemporain aujourd'hui en 2020. Oui, c'est fascinant de l'observer, effectivement, parce que, une fois encore, hein, quand on fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire quand on se saisit avec autant d'intensité de cette question du corps des femmes, et quand on cherche à en révéler en fait toutes les modalités et tout ce que ces modalités incarnées impliquent au quotidien, c'est-à-dire dans ce que les femmes éprouvent dans la banalité de leur existence quotidienne, eh bien très très rapidement on arrive à cette évidence hein, de ce qu'elle décrit sans prononcer le mot, c'est-à-dire du harcèlement de rue par exemple, ouais. Et à cette évidence aussi de la disqualification. Là, elle l'évoque rapidement en parlant du fait que peu importe qu'elle soit belle ou pas ou jeune ou pas. Bon, il y a cette question aussi de l'apparence physique, cette question de la vieillesse, tout ça, ce sont des sujets qu'elle a très conséquemment explorés et qui continuent, enfin voilà, pour lesquels elle continue d'être, je crois, vraiment une référence cruciale aujourd'hui. Eh bien, lisons Le Deuxième Sexe, lisez-le, chers auditeurs et chères auditrices, lisez-le en entier si vous pouvez. Hein. C'est un ouvrage qui est très agréable à lire, il faut quand même le dire, parce qu'il y a c'est aussi une romancière, Simone de Beauvoir, donc le style est très agréable à lire. Lisez-le, énervez-vous en le lisant ou jubilez, peu importe, mais en tout cas, il est difficile de penser aujourd'hui l'état du féminisme sans avoir ce texte en tête, encore une fois, quelle que soit votre position. Et je vous remercie beaucoup, Camille Froide-Vaumétrie, d'être venue en parler ce matin. Et je renvoie les auditeurs à votre texte, La Révolution du Féminin, qui est disponible en poche hein, désormais chez Gallimard. Et votre dernier livre s'appelle Saint, S-E-I-N-S, En quête d'une libération. On le trouve aux éditions Anna Moza. Merci et à bientôt. On se quitte avec Nina Hagen, une chanson en allemand dont voici le titre, c'est le refrain. Ich haben musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Arzt füllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Vorbei war, geht's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine. Unbeschreiblich, indescriptiblement femme, c'est Nina Hagen qui le chante sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver la question philo du jour par Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Michel Onfray est-il le nouvel Archimède? Alors, on s'est beaucoup moqué ces derniers jours d'une intervention du philosophe qui reliait mystérieusement défense du diesel et passion pour le bain moussant. un peu en roue libre, il associait en effet réchauffement climatique, droit à polluer du petit peuple français qui roule en SUV, bain moussant et physique quantique. Ma première hypothèse, c'est que notre célèbre philosophe s'était endormi dans son bain le dimanche précédent en regardant le dossier spécial SUV de l'émission Turbo, qui confrontait intelligemment des propriétaires comblés d'Opel Zafira à des climatologues atterrés. Pendant ce temps, j'imagine que Michel Onfray tentait alternativement de compter les bulles de son bain et de visualiser, a posteriori, le ratio de SUV sur le parking des salles où il donnait ses conférences. L'illumination, le moment Eureka s'est produit quand ce grand lecteur s'est souvenu du livre de vulgarisation physique qu'il venait d'achever, probablement un truc à la Brian Greene sur la mousse quantique. Il se serait alors écrié, en tribun de la plèbe de son groupement local d'univers, qu'on lâche un peu les Français avec le réchauffement climatique, le problème est évidemment bien plus vaste. Les bulles n'étaient pas telles un peu plus froides dans ce rondeau qu'à ses pieds où coulait encore un ingénieux filet d'eau chaude? Réchauffement en deçà des Pyrénées de son ventre, refroidissement au-delà. Mais la thermodynamique ne dit pas autre chose, pensa ce grain de pollen pensant entraîné par le mouvement brownien des associations libres, et il était trop tard pour penser à fermer la porte de la salle de bain. La mousse se propageait déjà aux confins de l'univers. Le moindre mouvement de sa part eût été catastrophique, autrement plus grave que le réchauffement climatique. Vous voulez dire que le réchauffement climatique ne serait que la moindre des catastrophes cosmiques envisageables ? Exactement. L'homme qui roule en SUV est, par nature, le vrai habitant du multivers, un métaphysicien né qui sent bien qu'il existe des problèmes autrement plus énormes que ceux de ces planètes. Et Michel Onfray de rouler avec lui en pensée jusqu'aux conséquences dernières de la théorie du multivers, cette théorie dionysiaque qui ne pouvait que plaire à ce lecteur de Nietzsche, pour laquelle il existe une infinité d'univers. Théorie un peu gâchée, hélas, par sa contrepartie apollinienne qui interdit toute communication entre eux. Mais c'est sur ce point que notre philosophe s'est avéré proprement génial. Il a contourné, dans un véritable moment eureka, cet interdit métaphysique. Donc pour vous, Michel Onfray, c'est notre Archimède. Mieux, c'est notre Giordano Bruno, le premier philosophe depuis les bûchers de la Renaissance à tenter une sortie entre les mondes, en revenant justement aux racines intellectuelles de la théorie du réchauffement climatique, à la thermodynamique elle-même, qui, faute de réussir à réduire la chaleur à un phénomène local, a développé une approche statistique de celle-ci. Peu importe aux physiciens l'état d'excitation de tel ou tel atome, ce qu'ils mesurent, c'est l'excitation moyenne. La chaleur est un phénomène non local, au point que le physicien Maxwell a imaginé que seul un démon pouvait vraiment la manipuler. Façon de dire peut-être qu'elle était elle-même un démon, un fauve invisible apparu entre les configurations inscrutables des atomes, un fauve que seuls quelques métaphysiciens pourraient chevaucher au risque d'y perdre la raison. Et regardant l'eau clinquante de son bain mousson, Michel Onfray s'est bien mis à rêver à voix haute d'un cheminement possible entre les mondes, d'une forme inconnue et fluide qui se manifesterait en utilisant chaque univers comme un pixel clignotant. Notre philosophe, connu pour son athéisme, s'est heureusement arrêté à temps pour revenir les irisations de l'eau aidant au problème très concret du diesel, mais il n'a jamais été aussi près, je crois, de découvrir le dieu caché derrière le démon de Maxwell. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre question philo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie d'Avril Poignant-Le Goff, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Laurence Malonda a réalisé pour vous cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Edouard Rubinstein. À la lecture des textes, Hélène Losseur. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série Confinée avec Simone de Beauvoir. Demain, on sera en compagnie de Kate Kirkpatrick, qui est l'auteur d'une nouvelle biographie de Simone de Beauvoir qui vient d'être traduite en français. Je ne pourrai pas vivre uniquement de bonheur et d'amour, c'est une citation de Beauvoir dans une lettre qu'elle écrit à son amant Nelson Algren. Alors on parlera justement d'amour nécessaire, d'amour contingente et de philosophie de l'amour. Ça, ce sera demain à 10h, mais d'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez le faire en vous rendant soit sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter les émissions en ligne, vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France, ou à partir de laquelle vous pourrez écouter toutes les émissions en direct, mais aussi en téléchargement et en podcast, comme ça vous écoutez les émissions où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Mais pour l'heure, sur France Culture, il est l'heure de retrouver dans une minute Florian Delorme pour Culture Monde.